des récits de Richard Suicide, Guillaume Panchina, en plus d'un dossier spécial sur les dessins érotiques inédits de Jean-Louis Tripe. Aussi à lire la chronique Bouffe de Cyril Doineau, Les dessous de la création d'Alexandre Fontaine-Rousseau et bien plus. Planche, disponible en ligne sur revueplanche.com et en librairie. Québec, et vous êtes en compagnie de Bruno Côté à la mise en onde et Jean-François et France à l'animation. Bonsoir France et Bruno. Bonsoir tout le monde. Eh bien, on est encore un petit peu sur l'adrénaline là, suite au lancement de la programmation de CKRL pour la nouvelle année, même si on est encore là, dans... En fait, c'est la dernière émission là, de la saison d'été. Et bien, à partir de lundi, on se retrouvera dans la programmation automne-hiver. Wesh. Ah ben, ça ne veut pas dire qu'il va commencer à faire froid pour ça, là, mais... J'aime mieux le froid que la chaleur. Ah oui, tant qu'à ça. Mais disons qu'on a eu une belle soirée, ça a été bien plaisant. On a pu présenter notre émission et expliquer un petit peu dans quel contexte qu'on se retrouve avec les illusions auditives juste avant. Et l'autoroute, pris en sandwich, on est très confortable là-dedans. On est un peu la tranche de jambon. Sans se qualifier de jambon, t'as l'air... on divague un peu, là, mais c'est bien le fun. Et on aura beaucoup de bonne musique, à commencer par Steven Wilson. Je sais que pendant les illusions auditives, en fait, Vincent et moi, on s'est parlé aujourd'hui parce qu'on disait qu'on était pour mettre du Steven Wilson. On voulait essayer de ne pas avoir les mêmes pièces. Et on s'est entendu là-dessus. Donc, il y aura une pièce de ce nouveau disque qui finalement, n'est pas mauvais du tout. Non, après plusieurs écoutes, il y a des pièces que j'apprécie plus que d'autres. C'est sûr que il y a eu des articles là, sur Steven Wilson et on disait que il y avait comme idole Prince, disons que ça nous a surpris un petit peu, là, parce que il me semble dans sa musique que ça n'a jamais apparu trop tôt. Mais là, dans ce cas-ci, on sent un petit peu des petites influences. Disons que c'est un disque qui se prend bien, mais il est plus pop. Il faut le prendre pour ce qu'il est. À partir du moment où on accepte ça, ce disque qui s'appelle To the Bone, je pense que c'est un disque qui est quand même agréable. On va entendre la pièce People Who Eat Darkness. Et bien, on va. Il y a Bruno la semaine dernière qui a fait jouer Snow Torch de Fido Xavier. Mm-hmm. Puis, disons que c'est un disque qui était passé vite un peu, mais là, ça m'a donné le goût de le réécouter. Puis, bien, on va aller sur 10 Days in 100 Novellas Part 2. Et là-dessus, il y a une pièce de Morgan qui est un groupe aussi de Fido. Et on va entendre une pièce qui s'appelle Mr. Toad. Ça m'a donné le goût de revenir là-dedans. On va écouter aussi un petit peu du groupe italien Promenade, qui lui aussi est passé vite un petit peu. Et il y aura aussi du Steve Thorn. Donc on y va pour un beau bloc de 4 pièces. I live in the planet store, I can hear

lost control and your kids became confused. Among the powder cakes with nothing left to lose. So now your chickens are coming home to roost. There's something in the groove, a needle that he wants to move, and all of us are dying to know. And the wind and the waves still wash away, but we ignore them like a plague. Who cares if nothing's left to save when everyone is by? The history of Mr. Toad and his wild ride. Found that sleepy people bridge the gap, falling through into the cracks that separate the walls of homes. But someone's always left alone, and all of them are trying to go. And you know that visit short and sweet can turn a trick into a treat. Who cares? There's nothing left to eat, 'cause Mr. Toad is on his way. Party started yesterday. God bless you, Mr. Toad. Whistler's mother wants to know why her son is so damn cold. He's lying down with the rats and moles. He hates the light but loves the hole down there in the undergrowth. Thank you, Mr. Toad. Thank you, Mr. Toad. Thank you, Mr. Toad. siamo l'alito dei sensi, sordi schiavi del pensiero, gesti immobili in un rito senza inizio e senza fine. Siamo sputo su una tela, confinati al nostro dire, i voraci prigionieri che del giorno van calzando il passo. Il tuo sogno sarà parte di te, ma ti rincorrerò. man is a pioneer in a wilderness so wide. He scales the highest peaks, asks the eternal question. CKRL. Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Venez vibrer au rythme de la francophonie à travers le monde du 2 au 4 septembre pour la 4e édition du Mondo Carnaval Culture en fête à Québec. Un voyage autour des cultures et du vivre ensemble. En compagnie des porte-paroles Marco Cagliari, King Abid et le prince de l'humour Boucard Diouf. Une foule d'activités gratuites pour toute la famille en plein cœur de Limoilou. Défilé carnavalesque le 2 septembre sur la 3e avenue. Spectacle de musique, danse, marché du monde, exposition, tournoi de soccer et projection. Mondo Carnaval, c'est plus de 600 artistes représentant 40 pays. Programmation complète, mondocarnaval.com. Et on a terminé ce bloc avec Steve Thorne de son album « Island of the Imbecile ». On sera tenté de dire que ça prendrait une grosse île. Mais on le dira pas. Non. On a entendu la pièce « Dear Mother Heart » et juste avant, c'était le groupe italien « Promenade » avec une pièce assez douce qui est extraite de l'album « Noi al dir di noi » et « Il secondo passo ». La pièce qu'on a entendue, et avant « Mogon » qui comprend le « Fido Xavier ». Avec Mr. Toad, on avait débuté avec Steven Wilson. On aura d'ailleurs une autre pièce de Steven Wilson. Je pense que c'est la grosse sensation de la rentrée. Là. Mm. C'est ce qui fait jaser le monde. Eh oui, il fait toujours jaser, M. Wilson. Ben oui, ben justement, c'est Michel qui a mis une vidéo sur... Non, pas ça. Tu as trouvé ça sur ton téléphone, ouais. Là, puis on écoutait ça. En fait, c'est la même pièce que j'avais mis, c'est-à-dire People We Eat Darkness. Donc, il a fait une vidéo avec ça, où est-ce qu'on le voit en studio avec une télécaster noire. Ah oui, puis il essaie des pédales. Des pédales? Ben oui, il y en a beaucoup de pédales. Un autre disque, ben, peut-être qui fait moins jaser, c'est sûr, c'est moins grand public, là, c'est Discipline, mais disons que pour nous autres, ça nous a intéressé, Captive of the Wine, Dark Sea. Moi j'en ai fait jouer un extrait, Michel en a fait jouer, Marco aussi, mais on va en entendre un autre, puis avec un titre énigmatique, là, ça s'appelle juste S. S pourquoi, je ne sais pas trop. Il y a un DVD qui est sorti aussi récemment. Tu te demandes lequel? T'as pas vu la playlist? Mystery. Ben oui, Mystery. Ben oui, groupe de Montréal qui fait sa session en Europe. Ben oui. Beaucoup. Ben oui, c'est des vedettes, eux autres, en Europe. Là, et ils vont être à Québec le 15 septembre. Oui, espérons qu'il y aura du monde pour les accueillir. Au Cercle, oui, ils sont bien aimés à Québec. D'après leur dernier spectacle, quand ils sont venus. Mais je ne me souviens plus quelle date, par exemple. Et le dernier album s'appelle Delusion Rain. Et c'est ce disque-là qui était à l'honneur sur ce DVD qui s'appelle Second Home. C'est enregistré, c'est aux Pays-Bas, hein, si je me souviens bien. Et ben c'est un titre qui n'est pas énigmatique du tout. Dans leur cas, c'est un second chez soi, je comprends. Ils sont tellement aimés en Europe, Mystery, qu'ils doivent se sentir comme chez eux. Et ben c'est un bon DVD. Ça fait une bonne rétrospective un peu de la carrière en insistant évidemment sur Delusion Rain. Et ben pour souligner ça, c'est vrai, il y a la trame sonore, le CD si on veut, là, de ce DVD-là sort à l'automne. Oui, je pense que oui. J'ai vu passer ça, là, je pense que c'est quelque chose comme le mois d'octobre, donc ça va être à surveiller. J'imagine que ça va s'appeler de la même façon, là, c'est Second Home. Alors, nous autres, on va entendre la pièce A Song for You, extraite de Delusion Rain, et on va entendre aussi Steven Wilson du même album là, qui s'appelle Paria. Et ben une petite gâterie en ce qui me concerne, c'est le groupe américain Bentley de son album Land Animal. Et on y va en musique. Alors vas-y Bruno. those I saw today brought tears in my eyes. This world's going crazy. Then my worries turned to dots on the lines, so simple and easy. I never seem to understand the world spinning around my head. Inside my head.

C-K-R-L. Je puis être musique, bruit, silence. .qc.ca. Communication. Culture. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Le Festival de cinéma de la ville de Québec. Du 13 au 23 septembre. Présenté par Québecor. Alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. FCVQ.ca. Et c'était la voix un peu spéciale de Courtney Swain pour le groupe Bentney. Et leur dernier album qui s'appelle Land Animal, on a entendu Terror Bird qui rouvre ce disque-là. Et ben c'est sur Inside Out, donc ça donne une certaine visibilité. D'ailleurs, j'ai vu une chronique, là, je me demande si c'était pas dans Le Soleil ou dans le Journal de Québec ou un magazine Voir au pire. Là. Mais bon, ça commence à percer un peu et c'est tant mieux. Juste avant, c'était Paris avec la belle voix là, de Ninette Taïeb qu'on avait vue au Grand Théâtre de Québec. Mm-hmm. Et, elle l'avait accompagnée. C'est une voix magnifique et émouvante. Là. C'est quand même une belle pièce là, de Stephen Wilson. Juste avant, c'était Mystery. On avait débuté avec Discipline. Et ben là, on va y aller avec une pièce fleuve du dernier album de Tangent là, qui s'appelle The Slow Rust of Forgotten McHenry. Et ben, Marc en a fait jouer dernièrement. Et Tangent, ben c'est surtout Andy Tillison et ses invités. Il peut compter sur Luc Makin. Le guitariste. Ben oui, qui est toujours là, le petit blond, le petit prodigieux. Là. Mm-hmm. Qui avait sauvé la mise un peu lors de la... lors du festival. Ben, pendant le festival, disons qu'il s'est implanté d'aplomb. Ben, c'est son ordinateur. Oui, ben disons qu'il y avait de l'équipement qui était peut-être pas adéquat et si ça n'avait pas été des deux jeunes qui ont jamé et qui ont sauvé le show un peu en partie. Là. Disons que ça aurait été une catastrophe. Mais bon, on peut dire que ils se sont quand même réchappés un peu. Et il y a Gentle Giant là, qui sont honorés dans leur ville natale là, de Portsmouth. Là, ça s'appelle le Portsmouth Hall of Fame. Donc, ils ont été honorés là, les frères Schulman et Kerry Menhir. Je ne sais pas juste pourquoi Gary Green ne faisait pas partie de la fête. Là. C'est quand même le guitariste d'origine. Il y a peut-être des petites tensions. Là. Je sais que les frères Schulman n'apprécient pas beaucoup ce qu'il fait avec... Three Friends. C'est sûr que c'était pas un compositeur non plus. C'était toujours crédité à Schulman et Menhir ou les deux Schulman et Menhir là, parce que à partir de après Octopus, donc il y a un des frères Schulman qui était parti, qui était beaucoup plus vieux. Mais disons que pour l'instant, on va y aller en musique avec The Tangent et on complétera avec un extrait du Element 2016 Tourbox là, de King Crimson. Ça va être la pièce Radical Action. Front of her face, you know she'll see. Jostle the press pack, but keep on the right side just in case. Because we need her, because she's always good. 'Cause when the leaders head for the hotels, Illuminati have nothing more to say. Shorts on those column sheets, you'll need more today. You might need to fill in details that you missed from those you didn't push away. Yeah. the same. The leaders have had their slut. Now the editors tie the nut. Each group dissecting all of the angles in the game. Who said what and to who? And ultimately, what it means to you. But the game is on a different pitch. The players exhausted by the antics of the rich or the disinterested, the media savvy, the Twitterati. And out on the coastline, now they're writing the script for tomorrow's show. Get Johnny Diamond out there today. And Bucket Chopper, not gonna miss this, no way. Checking the comms links and worrying the Wi-Fi might be too slow. Need a Brussels link in with Katya, and Laura's in London. The news at nine's coming at you, but the boat's still come with all the woe. The beaten faces we come to know, like incidental characters in a weekend hospital show. This is the story, but that story is now to even begin to know. Resting slowly, testing my day. Resting slowly. Changed. The camera's on you and me, but not the finger pointing blame. It's a world on the edge, so pointed at the helpless. It's a world on the edge, so pointed at the strangers in town. Seen in six.

so you become silent. Shut down the sugar. There's nothing you can do about it. Just as well you join in. No way. You just can't find a rejoice. Like a different base of mathematics. If the Daily Mail's a one, perhaps the Independent zero. Like, don't like, vote up, vote down, leave, stay. Clinton, Trump, PC, Mac. Binary choices. No central road, no interesting turn-off. This is 2016, and we can buy the White House. We can have the Kremlin for a trade deal on top. We came back from the future, and Biff was a president, and Johnny B. Good won't work this time, got no choices on the time. No way. Sold. storm about a mosque they built in Nottingham. Forearmed is forewarned. Did anybody ask them why their writing's full of hate? Or was that in the remit of those who educate today? Schools turning out corporate automatons, ready to go on boxers ticked. Signed up by Pearson, yes, the TLC of the PLC is sick. Become a teacher and bow your head to the passing fashions where you get led. But say your prayers, 'cause when all's said and done, the future's theirs. To sell textbooks, to sell textbooks, that's all they're here to do. trouve ta voix. Quand le rouge s'allume, j'ai réalisé que sans la radio, et qu'on s'apprête à se mettre en jeu, je n'existerai pas. CKRL. .qc.ca. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Audiolight, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolight, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolight.qc.ca. King Crimson qui a terminé ce bloc qui comprend pas beaucoup de pièces parce que Tangent durait déjà 22 minutes. Et c'est la pièce Slow Rust qu'on a entendue de Tangent. Et là, ben, on va parler un petit peu concert parce qu'il y a une belle reformation là, cette année. Oui, Uzeb, après 25 ans, qui vont être là au Palais Montcalm le 8 et le 9 septembre en supplémentaire. Oui, puis c'est une réunion qui fait parler beaucoup parce qu'ils ont fait une tournée mondiale aussi oui. En Italie, un peu partout, là, en Europe, où ils sont bien accueillis. C'est un retour qui était attendu depuis longtemps. Par contre, il y a eu beaucoup d'articles là, dans les journaux. Il n'y a pas de disque de prévu. Ils ne comptent pas refaire de la musique. Là. Ils ont juste actualisé leur répertoire là, qui existait déjà. Des nouveaux arrangements. Oui. Ils ont réarrangé tout ça là, au goût du jour. Puis, ben, selon les interviews, ben, c'est quelque chose qui s'est fait assez facilement. Là. Ça s'est fait naturellement. Donc, aussitôt qu'ils se sont retrouvés ensemble, ils ont retrouvé leur repère. Et ça s'est bien passé. On va entendre une pièce de l'album Noisy Night. En fait, c'est la pièce titre. Moi, en 88, j'avais flashé beaucoup sur ce disque-là. C'est le premier disque qui sortait là, dans la version trio. Et moi, je trouvais qu'il y avait un son beaucoup plus percutant là, de cette façon-là. Et ensuite, on va entendre le groupe de Québec Shatters qui vont faire la première partie de New York City le 8 octobre à l'Antibar et Spectacle. Et ben eux autres aussi vont avoir un nouveau disque. Hein, Oui, ben c'est ça. Ça va être le lancement de Unreal City et Shatters la même journée. Oui. Et donc c'est le 8 octobre, mais le lancement de Unreal City, le lancement officiel, ça se fait le 10 septembre. Oui, c'est ça. Le disque sort le 10. Il y a déjà un vidéo qui est sorti sur YouTube. Ouais, puis qu'est-ce que ça dit la pièce? Moi, je ne l'ai pas écoutée. Ah, c'est bon, c'est... Oui, j'ai hâte de voir la suite. Moi, ce qui me concerne, je trouvais que le deuxième disque était encore meilleur que le premier. Je ne sais pas s'il y aura la même progression. Si c'est le cas, ben ça va être vraiment très, très bon. Bruno en a fait jouer une pièce la semaine dernière, donc cette semaine, on va entendre plutôt Shatters de leur premier disque qui s'appelle L'Abysse des pensées. On va entendre la pièce qui rouvre l'album. Et tu avais quelque chose à ajouter? Oui, la vidéo d'Unreal City est sur la page Facebook de Terra Incognita. Oui, puis d'ailleurs, sur cette page-là, il y a beaucoup de choses. Michel est assez actif là, de ce temps-là. Il y a beaucoup de disques qui célèbrent leur anniversaire, comme je voyais aujourd'hui qu'il y avait Genesis, là, Calling All Station, qui célébrait son anniversaire. Si je ne me trompe pas, ça fait 20 ou 25 ans, je ne suis pas certain. Je ne me rappelle pas. Je pense, non, c'est 20 ans. C'est 20 ans parce que c'est ça, c'était en 97. Eh bien, on va entendre aussi une pièce d'Arian, qui est le jour 9 là, de Theater Equation. Donc, c'est la pièce en concert. Et la semaine passée, moi et puis Bruno, on a eu une bonne conversation sur le groupe américain Yes Da Urfa, que nous autres, on avait vu au Nirfest en 2004. Donc, ça m'a donné le goût de réentendre Sacred Baboon, et je suis certain que les auditeurs seront contents aussi. Donc, on va entendre la pièce Tota in the Moya. Thank you.

De Urfa des États-Unis. Et on se quitte avec Guru, avec un disque qui est sorti récemment, mais c'est des enregistrements là, qui datent soit des années 70 ou des années 90. Donc ce qu'on va entendre, c'est Moshi Moshi. Juste le temps de vous remercier d'avoir été là. On a eu du plaisir à être avec vous autres. Eh bien, merci France, merci Bruno. Et ben, restez à l'écoute pour l'autoroute avec Stéphane Villeneuve. We'll be right back.